faut être très vaillant, mon pote. Regarde un peu comment les frères écoulent leur dor. Parano quand il s'agit des thunes. On te rafale la tête sur le bitume. Ok, ça rêve du Cayenne, des gros nerveux comme Cayenne. Tu veux jouer dans la cour des grands, clique, clique pas. Règlement de compte, t'as fait un trou dans les comptes. T'es une merde, tu joues les gants, viens pas me saluer. Ton frère a balancé, j'ai une saleté qui vote Sarkozy. Imbécile, pourquoi trahir la famille? À tes côtés, rien que des ennemis. Tu reconnais même plus tes amis. Tu sers, t'es fou, tu rêves d'intégrer le groupe. Faut pas que l'apparence mette les couilles. Pendant que tu parles, on fait cracher les douilles. Oh malade, on recule pas face aux embrouilles. L'ennemi fait la bise au 11-43. Putain, 11-43, motherfuck, 11-43. UHS de Fallujah, où beaucoup reculent pas, beaucoup ne parlent pas, agissent en cas de haja. Du quartier nord à la banlieue parisienne, lié au 357 et 11-43 à fond sur le GSXR, entend crier le CR, le chant des sirènes, ne lève pas la visière du casque intégral, sinon la balle finira dans ton crâne. UHS de Fallujah, UHS de Fallujah, une équipe sous une plaque d'égout. La ville continue ses activités, ça envisage un sale coup. À sa fermeture, une banque va sauter. Les braqueurs sont au PK coulé, ils investissent le quartier. La BRB vient débouler, un civil pris en otage. Dans la banque, un dévergondage. Demande de rançon, des millions, un hélicoptère, des frissons. Tout le monde est à terre, une fusillade est ouverte. À la télé, la population est informée. Mentalité, UHS a frappé, un nouveau casse vient de cogner. Les habitants sont choqués, insécurité, encore ces immigrés, comment les arrêter? Ils sont trop hardcore, ils sont trop QHS, ils sont trop quartier nord, sans cesse te blesse. Tu veux monter, une balle dans ton corps, tu veux monter, une balle dans ton corps. Reste couché, reste couché. UHS de Fallujah, où beaucoup reculent pas, beaucoup ne parlent pas, agissent en cas de haja. Du quartier nord à la banlieue parisienne, lié au 357 et 11-43 à fond sur le GSXR, entend crier le CR, le chant des sirènes, ne lève pas la visière du casque intégral, sinon la balle finira dans ton crâne. UHS de Fallujah, UHS de Fallujah, tu veux monter en bombe, tu vas creuser ta tombe, personne pour t'assister, seul dans ta cellule tu vas pleurer, tu vas péter un boulon. Si tu veux mon opinion, reste touché. Si tu veux pas sauter, t'es juste un mineur qui veut s'amuser au dealer. Dans la cour des majeurs, faut savoir nager pour être maître nageur. Pourquoi vouloir les grands moyens, les employés si t'as pas les moyens? Vouloir des altercations, des bougies avec les petits pour des causes inutiles. Fin d'argent quand on amène le blé, faut savoir le digérer, ne pas en abuser. Quand les schmitts attaquent au bélier, envoie la cam par la fenêtre. Aucune preuve quand ils pénètrent dans le domicile, pour eux ça sera difficile. Prends garde, pas te faire soulever, pas te faire tuer. UHS, reste lucide, attention si tu veux monter, tu vas te faire plomber, ok. UHS de Fallujah, où beaucoup reculent pas, beaucoup ne parlent pas, agissent en cas de haja. Du quartier nord à la banlieue parisienne, lié au 357 et 11-43 à fond sur le GSXR, entend crier le CR, le chant des sirènes, ne lève pas la visière du casque intégral, sinon la balle finira dans ton crâne. UHS de Fallujah, UHS de Fallujah. Hey mineur, viens pas traîner dans la cour des majeurs. Surtout si tu sais pas nager et tu veux jouer les maîtres nageurs. Ok, c'est vendetta corrosif. Révolution interdite. Eh ouais, moi-même je suis mineur et je te donne la leçon. Parce que j'ai des poils dans le caleçon.